Paul Verlaine, dédicace. Vous souvient-il, cocodette un peu mûre, qui gobergeait vos flemmes de bourgeoise, du temps joli quand, gamine un peu sûre, tu m'écoutais, blanc-bec fou qui dégoise? Gardâtes-vous fidèle la mémoire, ô grâce en déjersée de poux de soie, de t'être plus jadis à mon grimoire, court par écrit, postale petit oie? Avez-vous oublié, madame mère? Non, n'est-ce pas, même en vos bêtes faites, mes fautes de goût, mes noms de grammaire, au rebours de tes chères lettres bêtes. Et quand sonna l'heure des justes noces, sorte d'Ariane qu'on me dit lourde, mes yeux gourmands et mes baisers féroces, à tes nénis faisant l'oreille sourde. Rappelez-vous aussi, s'il est loisible à votre cœur de veuve mal morose, ce moi toujours prêt, terrible, horrible, ce toi mignon prenant goût à la chose, et tout le train, tout l'entrain d'un manège qui par malheur devint notre ménage. Que n'avez-vous en ces jours-là, que n'ai-je compris les torts de votre âge et de mon âge? C'est bien fâcheux. Me voici, lamentable épave éparse à tous les flots du vice. Vous voici, toi, coquine détestable, et ceci, fallait que je l'écrivisse.